N'oublie pas ce qu'on s'est juré. N'oublie pas quand tu t'en vas prier. N'oublie pas les bons moments passés. Oublier c'est tellement facile. Ne pas t'appeler c'est si difficile. J'aimerais tant décrocher ta voix au bout du fil. J'aimerais tant raccrocher mes larmes au bout des cils. N'oublie pas. Dernière danse, non, n'oublie pas nos deux corps en transe. N'oublie pas qu'on a toutes nos chances. Et dans ta transe, pense. N'oublie pas. Ta voix au bout du fil, j'aimerais t'en raccrocher.